Là, le son et la thune en main. Comment veux-tu pouvoir prêter la thune sans maille? Comment inspirer la joie, esquiver la loi? Comment feinter, comment lutter, comment ça va toi? D'ailleurs tu deviens quoi? Il ne sort pas de mytho. Je reprends de quota ces jours prolongés pour comico. Car tu sais quoi, tu n'as que l'odeur du psycho. Donc baisse les bras et va plutôt laver tes chicots. Tu n'es qu'un ego, tu pensais me dominer. Va donc jouer au domino avec tes cheveux gominés. Tu n'es qu'un minot, titi et moi combiné. Comme Bernino et je bouffe un oiseau au dîner. J'ai pas terminé, juste pour le robinet. Je tiens le micro et je suis là, je vous domine. Bande dessinée, je pèse le mot comme 13 niveaux. Donc prépare-toi à halluciner. Tu fais ce dégo, là c'est du ciné. Tu check des gros et la ferme avec ta dulcinée. Tu testes mes bros, non mais que c'est faux. Je te pète les os et même les pros en perdent les mots. J'ai dit tu testes mes bros, non mais que c'est faux. Je te pèse les os. Prends le numéro perso du kiné. Parce que je vais t'exterminer. Te faire du mal, te ruiner. Te brancher au 220 volts, tu vas t'illuminer. Pour dominer, faut saigner les flots. Se lécher les crocs, je fais l'été chaud. Je suis déjà calciné. Que Bernard Miné. Pourtant il est musclé. Finir dans ton vomi, c'est mon envie. Mais si tu veux pas finir, dis-le dans tes tombies. Après drive pour débusquer les bandits. Au rythme, je t'affie à quoi dégoûter les amplis. Mais faut pas que tu fly, moi je fais que découper les nantis. Appelle-moi Bags, tu connais le blaze. Le hobbit est là, tu ne peux qu'opter pour le phraser. Dis qu'il est naze si tu le trouves d'occasion. Mais esquive-moi quand l'extase viendra t'écraser. T'as pas un bout de feuille, un paquet de clopes, ça fera l'affaire. Vas-y, trouve-moi un petit crayon dont tu sais plus quoi faire. Et branche ce mic, trouve un beat qui déchire. Il me faut un truc qui claque, j'ai trop besoin de me faire plaisir. T'as zéro page et les oreilles des personnes passagées. J'ai pas âgé, car âgé, c'est par la peine, c'est déjà saccagé. Passez partage avec vous des morceaux magiques. Des gros de la musique, c'est ça qui me fait marcher. C'est ça. Thank you.

que t'étais. Je l'ai nourri de mon son comme une putain de vache. Jamais produit du terroir, qualité, je l'ai nourri. Je compte du talent, je connais bien pour pas rien. Celui du son qui dit, on passe bien, viens de province. Je te promets, c'est trop bon. Pareil que l'entendre prêcher, c'est comme piocher des bonbons. Qui quand ira, ça fait chanter les abeilles. Marie les oiseaux, ça redonne des couleurs aux arc-en-ciel. J'ai entendu dire que c'était le chouchou d'Obama. Qui t'a donné le fil avec comme Oussama. Y'a peut-être du faux dans tout ça, ma foi. Mais je serais pas étonné d'apprendre qui connaît le Dalai Lama. Dans les nuages où coule la scène.